poster sur MySpace. J'ai un groupe, alors j'ai mis ma musique. J'ai mis ma musique et puis ça fait écouter à tout le monde. Je poste des coms. Je poste des coms sur MySpace. Pour que vous veniez écouter la musique. Bon, c'est de la merde, mais... Ouais, mais c'est de l'art. C'est vous qui êtes trop con. Et puis, grâce à MySpace, on peut être connu vachement vite. On peut gagner plein de thunes. Il y en a plein, hein. Alors, ben, toi aussi. Tu peux filer l'adresse à tes potes. Quand même bien. Et ouais.